Moteur, action. La naissance d'un autre monde. Moi, je m'appelle Laïa, je suis une aigle royale. Et pas n'importe qui est une aigle royale. Je m'appelle Toc Toc et je suis un pic noir. Je m'appelle Lina et je suis un... Je suis Lyra, une grimpeau des bois. Je suis Benjamin et je suis un pivert. Moi, Plume, je suis une enfant citadelle chapeau. Moi, Noisette, je suis un enfant écureuil. Moi, Luna, je suis une enfant loup. Moi, Tokela, je suis une enfant renard. Moi, Blairdo, je suis un blaireau. Vous pouvez éviter de tirer parce qu'on a déjà une galère là. Quoi? Ah, c'est parce qu'il y a la doublure au cas. T'as compris, il faut forcer. C'est le cas de la force. Comment on mettait la tente. Les filles, accrochez les doublures déjà. Mais là, ouais, mais en fait, il y a la doublure, du coup, on n'arrive pas. Ok. Non, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon? J'ai réussi une partie. Attendez, arrêtez de bouger. Attendez, j'arrive. Ok, vas-y, Alex. Au début de l'histoire, la forêt était désordonnée et humide. Il y avait beaucoup de houx. Les arbres étaient désordonnés, parfois très serrés, et c'était très difficile d'y pénétrer. Le sol était couvert de feuilles en train de se décomposer. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages, des ours, des lapins, des chevreuils, des sangliers. Et surtout, il y avait beaucoup de loups. Alors que la guerre approchait de sa fin, des enfants décidèrent d'aller habiter dans la forêt. La guerre avait rasé le village et pour certains, emporté leurs parents. Quelques jours après leur arrivée dans la forêt, ils construisent une cabane en bois. Soudain, un sanglier arriva et il les attaqua. Un a été mordu et se transforma en sanglier. L'enfant devenu sanglier garda la parole mais pouvait parler sanglier. L'enfant sanglier, paniqué, s'enfuit en courant. Les autres enfants se perchèrent dans les arbres pour éviter les sangliers. Ils trouvèrent la vie dans les arbres très très bien. Alors, ils restèrent dans les arbres. En haut, ils trouvèrent là des oiseaux qui leur apprirent à cuisiner, coudre, fabriquer des objets et des habitats. Ah, ça pique ! Attends, on recommence, Jeudi 21 avril à 11h42. En haut de Dimitri, dans la forêt de Livray. Prise 1. Je m'appelle Chloé, je suis sur la 6e branche de l'arbre Dimitri et j'entends autour de moi la rivière qui coule. J'entends des enfants, j'entends les oiseaux, j'entends les feuilles qui crissent et j'entends le vent qui souffle. Ah, mais m'embête cette branche là. Est-ce que tu peux lever la branche, s'il te plaît? Non, attends, non, t'inquiète, c'est bon, je vais me débrouiller. Je vais passer bien. Lâche-toi. Ok, tu me dis si tu veux que je me décale. Hop, faut que je passe au-dessus de ce truc. Ah, mon nez. Ah bah. J'ai trop peur que la branche est pète en fait. C'est bon. C'est sur lequel t'as ton pied. Ah non, mais je pensais que t'as mis de la roche où t'as accroché nos cordes. Je me sens bien parce que j'aime bien être en hauteur. Et cette nuit, on a dormi dans le camp. Et de là où on voit le camp. Là, je suis un arbre. On a appelé Dimitri. Je suis pas sur une branche, je me laisse aller un peu dans le vide. C'est mon baudrier qui me retient. Isis, t'arrives à mettre tête en bas mais en étant bien droite. Je vais essayer. Et après, il faut tourner sur soi-même. Bah, j'ai pas peur parce que je sais qu'on est bien accrochés au corps de qu'elles peuvent pas trop s'enlever. En plus, là, on est au-dessus d'une rivière et ça donne l'impression qu'on va tomber dans la rivière, mais j'aime bien cette sensation. Je me sens comme si je volais. Je sens mon corps. Je sens mon corps vraiment vivre. Il y a plein de êtres. Et de où? J'entends plein de bruits d'oiseaux, des piques noires, des merles, des corneilles, des rouges-gorges et plein d'autres choses. Ah, Basile! T'es à l'aise, Basile, hein? Je bouge plus. Mais comment ils font pour pas avoir peur de tomber dans la rivière? Bah oui, pareil. J'ai peur, en fait, de me casser la figure. On va y arriver, Lucie? Ça fait des nœuds. Je suis encore trop basse. Mais en fait, faut que tu remontes. Ouais, faut que tu remontes. Après quelques temps passés dans les arbres, les enfants décidèrent de retrouver leur ami sanglier disparu. Après quelques jours, ils le retrouvèrent. L'enfant sanglier avait intégré la petite meute de sangliers. Grâce à ces liens, un pacte a pu être scellé. Les sangliers n'attaquèrent plus les humains et les humains n'attaquèrent plus les sangliers. Depuis ce jour, tout allait bien. Tout était paisible. La paix et l'harmonie régnaient dans la forêt. Bonjour. Aïe. Effectivement, par rapport à nous, y a beaucoup de place. Hein. Nous, on est tous serrés, c'est trop bizarre. Oh, vous faites la pluie. Adèle, j'ai deux pieds de la vaisselle. Adèle. Non. Avec Chloé, vous... Non. C'est Charlotte et Lucille qui débarrassent. Est-ce que vous occupez de la vaisselle? Mais non, mais aujourd'hui on est mercredi soir. Vaisselle 1 ou 2. Débarrasser la place. Nous voici au terrier de Blairdeau le blaireau. Oh, tiens, il n'y a personne. Ce lieu est un bazar. Si je retape cet endroit, ça pourrait faire ma maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, désolé. Je croyais qu'il n'y avait personne. Je cherche une maison. Si tu continues ces travaux, je pourrais t'héberger. Merci beaucoup. Au même moment, une loupe aperçoit un écureuil qui mange une noisette. Miam! Voilà mon dîner. Soudain, l'écureuil se retourne et voit le loup. À l'aide! Une loupe m'attaque! Réveillé par ce remue-ménage, Plume, la citelle torche-peau, sort de son lit. J'arrive! Elle plonge sur le loup et lui donne des coups de bec sans succès. Je vais me cacher derrière l'arbre là-bas et imiter des sons d'animaux. La loupe, se laissant surprendre, laisse alors l'écureuil s'en aller. Non, mais là, tu ne viens pas. Non, j'ai pas fait. Je fais arf. Mince, où est-ce que j'ai mis? Ah, je me suis dit, j'ai promis mon sac. Allez, non, mais après, t'en as un sac qui laisse 3 tonnes parce que t'as tous les habits dedans. Ah non, mais t'inquiète pas, tu m'en parles pas. Moi, j'ai fait de la rando, t'inquiète pas, hein, je connais. Le truc où t'as tous tes trucs à la journée, plus tous tes trucs, machin, les trucs que tu donnes dans les refuges. J'ai fait de la rando en montagne, t'inquiète pas. T'as tous tes habits de tous tes machins, des gros sacs qui portent comme ça. Mais je suis vraiment faire gruger par tout le monde là. Un jour, alors que les oiseaux allaient chercher à manger, ils virent un homme jeter négligemment sa cigarette. Et un feu se déclara. Ils allèrent prévenir tous les animaux. Les animaux paniqués couraient dans tous les sens. Lorsqu'ils réussirent à calmer tout le monde, l'incendie avait gagné trop de terrain. Ils prirent alors la décision de s'exiler. Ils montèrent dans un bateau clandestinement en partance pour l'Amazonie. Les enfants perchés. Lucille alias Plume. Chloé alias Laya. Isis alias Noisette. Alix alias Tokela. Charlotte alias Luna. Fazil alias Blairdo. Adèle alias Lina. Titouan Pleuen. Lubin alias Benjamin. Aglaé alias Lyra. Cléo alias Toc Toc. Ah, 4 poulets devant nous. Mais il n'y en a pas 4. Il y en a 8. Non, c'est elles les poulets parce qu'elles font le poulet musical. On n'est pas des poulets, on est des poulets musicales. Des poulets musicales.